Voici Monsieur Guillermo. Oh non. Si. Absolument. Señor. Cabron. Hola. Ça va les amigos? Ouais. Ouais. Vous savez comment je sais que je suis vieux? L'autre jour, j'ai demandé à mes potes à quelle heure ce soir le resto et ils m'ont dit 19h30 max. Ça, c'est un signe. Quand tu commences à faire des restos à 19h30 max, c'est que ta vie, elle est pas en train de prendre un tournant punk. Tu vois, t'es pas en train de choisir un piercing pour ton périnée, quoi. C'est sûr, tu vois, quand tu vas au resto à cette heure-là. Ah, j'ai l'image. Quand tu vas au resto à cette heure-là, c'est que dans pas si longtemps, au bout du chemin, il y a France 3, quoi. Franchement, on part vers ça. Je vous préviens, le lundi matin, je vais arriver avec des anecdotes incroyables de téléfilms. Tu vois, ça va être. Oh, c'était une histoire folle, tu vois. Un meurtre en armorique avec Gérard Rolls. Dingue. C'est bientôt la fin. Il faut clairement que je commence à prendre mes dispositions. Vraiment, mon testament, il est déjà fait. Leïla récupère ma pipe à crack. Enfin, récupère. Pour la garder, je veux dire. Déjà. Pour la garder. Enfin, juste qu'à faire curter l'embout deux fois par an, sinon ça rouille. Déjà, le crack, ça donne du mauvais gras. T'as pas envie de choper le tétanos en plus. Non, Daniel aussi, vous pouvez garder vous aurez votre part d'héritage, Daniel. Je vous l'ai déjà dit, je le redis. Mon porte-savon, il est à vous. Mais il faut me promettre de l'utiliser de temps en temps, Daniel. Vraiment, je veux pas que ça se retrouve sur une brocante comme la tondeuse néoreille que je vous avais offerte à Noël. Enfin, bref. Autre activité. Autre activité typique de quand tu vieillis, je suis en train de compléter mon arbre généalogique. Vraiment. Oh, c'est pas un truc de vieux, ça. Si. C'est un truc de vieux de ouf. J'ai tapé généalogie.com sur internet, ma prostate, elle a fait déjà. Vraiment, tu vois. Même elle est étonnée que je commence si tôt. Quand j'urine, tu vois, j'ai encore du jet, quoi. C'est vrai, dans la neige, je peux écrire Ernesto. Mais c'est, le temps passe. Moi, j'écris Guise. Je me suis renseigné sur mes ascendants. Figurez, j'ai découvert des trucs hallucinants. Genre, j'ai du sang égyptien, quoi. J'étais là, mais oui, je le savais. Ça m'est revenu quand j'étais petit. Ma grand-mère, elle me faisait toujours n'oublie pas ta brosse à dents, n'oublie pas ta brosse à dents. C'est vrai. J'ai toujours su qu'elle avait eu un amant qui travaillait à la télé et qui connaissait rien au foot. Mais je croyais que c'était Pierre Ménez, quoi. Mais du coup, j'hésite. Nagui, je vous appelle patron, papou, papilou, comment on fait? Enfin, et qu'on fait comment pour l'héritage? Je m'inscris online comme tous les autres ou c'est toujours dans l'ancien centre de vaccination? Franchement, c'est marrant de retrouver ses racines quand on vieillit, quoi. C'est ce besoin de retrouver ses racines. Moi, j'imagine que c'est un espèce de passage obligé pour comprendre, tu vois, son identité profonde. Là, j'ai réussi à remonter très loin dans mon arbre. Vraiment, je suis arrivé au précambrien. J'avais un ancien arrière-grand-oncle, c'était un tubercule. Franchement, le tout premier à avoir osé dire tige ou racine, c'est que des étiquettes. Vraiment, c'était un précurseur. Personne n'osait dire ça dans le milieu des tubercules. Aujourd'hui, tu parles de mon grand-père à n'importe quelle patate douce. Elle connaît au moins deux noms, quoi. Eh ben, c'est, en vrai, c'est complexe de remonter. Moi, j'ai très peu d'infos sur mes ascendants. Tu vois, dans ma famille, il y a personne qui est sur Google. Alors que sur Google, il y a quand même beaucoup de gens, quoi. Sur Google, il y a Camaro, tu vois. Et franchement, tu tapes Camaro, il y a 82 millions de résultats. Moi, je dirais, il y a vraiment tout le monde sur Google. Il y a personne de ma famille, quoi. Je dois chercher dans des registres et tout pour compléter l'arbre. J'ai découvert plein de trucs. Genre, quand j'étais ado, je disais à tout le monde que j'avais des origines espagnoles. Tellement pas. Maman. Tellement pas. Aussi loin que j'ai pu remonter, tous mes ancêtres ont vécu à Bruxelles. Tous, en 9 générations, ils ont bougé de 700 mètres. C'est à ce rythme-là, il y a 60 000 ans, Sapiens, c'est sorti d'Afrique, ils n'auraient pas encore découvert le Périgord, quoi. Je te jure, franchement, je viens d'une de ces lignées de casaniers. Tu m'étonnes que c'est mon activité préférée, c'est mon sommier. Franchement, j'ai trouvé des infos sur des documents de mariage et tout, des trucs incroyables. Je viens d'une famille de boulangers. Mais je vous promets, ça explique tellement de choses. Genre l'autre fois, j'étais chez le psy, je lui disais, vous savez, au fond de moi, je crois que j'aime vraiment le pain. Eh ben, il m'avait dit, vous allez chercher du côté de votre mère. Eh ben voilà, bingo, tu vois, franchement, je vous promets, mon arrière-grand-père maternel, il est né en 1844, il s'appelait Modeste, il était boulanger, je vous promets que c'est vrai. Il a eu deux fils, Achille, qui est devenu boulanger aussi, et Joseph, qui est devenu boucher. C'est ouf quand même, j'ai trouvé toutes ces infos hier, j'ai l'impression d'être Hercule Poirot, quoi. Dingue. Là, je suis en train de résoudre un cold case du 16e siècle, tu vois, un de mes ancêtres qui a soi-disant volé un vitrail. Mais n'importe quoi, il était même pas là, c'était pas lui, tu vois. C'est passionnant. Je vous promets, hier, devant ma chronique, j'avais tellement pas envie d'écrire, je remontais dans mon arbre, je me disais dans 10 minutes t'écris ton texte, j'étais là ouais, mais d'abord je vais regarder si j'ai pas une arrière-grande-tante qui était commerciale pour un fabricant de machicoulis, vraiment tu vois, c'est pour ça que toutes les vannes, elles sont pas folles dans cette chronique, mais bon, tu me pardonnes hein, papilou, ah oui, ça va, oui, je te pardonne, merci Guillermo. Guillermo et peut-être ses ancêtres au théâtre de la Renaissance du 5 au 8 juin.